1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Depuis deux semaines déjà et jusqu'à l'automne prochain, le Muséum National d'Histoire Naturelle propose dans le cadre magnifique de la Grande Galerie de l'Évolution une exposition consacrée à la nuit. De quoi inspirer les amoureux de la voûte céleste comme Alain Siroux et Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis heureux qu'Alain Siroux ait pu nous rejoindre pour évoquer la nuit, nuit des temps et temps de nuit. Pour commencer, je vais ressusciter pour vous les nuits provençales de Nostradamus sur son toit terrasse de salon de Croc, comme on disait à l'époque, et puis avec Alain, nous tenterons de cerner les perceptions que nos ancêtres ont pu avoir de la nuit et de la voûte céleste. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous pose Sophie sur la page Facebook de l'émission à propos des origines du Mardi Gras. Ben ça, c'est une question de saison, puisque Mardi Gras, c'est demain, n'est-ce pas ? Vous me direz que sur ce que je vais dire, la nuit aura eu le temps de passer, comme le fer sur le linge. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est la nuit, sous le ciel étoilé de la Provence, que Michel de Notre-Dame rédige ses prophéties. C'est la nuit, les yeux rivés au corps céleste, aux constellations, l'âme entrouverte au spectacle de la Voie lactée et à celui des étoiles filantes, qu'il faut imaginer le grand astrologue à l'œuvre, calculant les aspects, scrutant les astres pour en conforter les tables. Je me figure Nostradamus enveloppé de nuit, dans un manteau de velours bleu nocturne, noircissant des feuillets à la lueur tremblotante d'une bougie. La chaleur du jour a fait place à une fraîcheur bienvenue, que tempère la douceur émanante à présent des murs de briques, des toits de tuiles. Les cigales ont passé le relais au grillon, on entend à peine le mistral au lointain et, tout près, le clapotis d'une fontaine moussue, puisque nous sommes en Provence, là, tout près en contrebas. Calme de Nux, quiétude des heures sans lumière, tant des ombres propices à ce qu'il y a d'occulte. Surtout, le cadre alentour paraît s'être dilaté. La présence vibrante de milliers de millions d'étoiles semble tout attirer vers les sphères, tout sustenter dans une élévation à la fois familière et parlante. L'esprit s'éploie, s'envole, se libère. Le temps vacille comme la flamme, les repères se brouillent. On est hier, avant-hier, à moins qu'on ne soit demain ou après-demain. La nuit, lorsque tout dort, Michel de Notre-Dame est disponible à lui-même pour envisager sans gêne, loin des perturbations du jour, loin de toute forme de tumulte, le grand destin des peuples et des mondes. Les astres lui parlent, la voûte obscure et scintillante devient son élément. Guy Breton faisait dire au grand mage des nuits provençales, je le cite, « Il m'est arrivé parfois, pendant une semaine entière, de recevoir le don de l'inspiration qui rend délicieuse l'étude de la nuit. Alors, après de longs calculs, j'ai composé des ouvrages de prophéties groupant chacun en ce qu'il concerne 100 quatrains astronomiques, renfermant des prédictions que j'ai volontairement rédigées dans un langage obscur et qui se rapportent à une période allant de nos jours à l'an 3797. Il est possible que certains hochent la tête en raison de l'étendue dans le temps de mes prophéties. Cependant, toutes se réaliseront pendant la durée du règne de la Lune et toutes seront comprises par la Terre entière. Cette inspiration qui rend délicieuse l'étude de la nuit, une pléthore d'astronomes, une infinité d'astrologues aussi, avant et après Nostradamus l'auront reçue en partage. L'occulte est volontiers nocturne, vous savez, mais l'obscurité qui préside à ces matières n'est pas dénué de certaines lumières. Il faudrait pouvoir visiter la nuit au cœur de la vieille ville de Salon, au pied du château de l'Empérie. Il faudrait visiter le logis qu'habita le célèbre Michel de l'an 1547 à sa mort en 1566, là où s'écrivirent les célèbres prophéties. En vérité, on ne sait pas quantité de choses sur Nostradamus. Les rares sources disponibles sont anciennes. Vous avez le bref discours sur la vie de Monsieur Michel de Notre-Dame, par Jean-Aimé de Chavigny, donc qui l'a bien connu, qui était en quelque sorte son secrétaire. Ça paraît en 1594. Il y a l'histoire et chronique de Provence de son fils, le fils de Nostradamus, César, qui paraîtra en 1614, et puis le manuscrit de son frère cadet, Jean. Je vais passer bien vite pour ma part sur les origines de ce prophète, si j'ose ainsi l'appeler. Il est né, vous le savez peut-être, à Saint-Rémy de Provence, un certain 14 décembre 1503, ce qui faisait de cet astrologue un sagittaire du décan fixe. Ce drôle de nom Notre-Dame rappelait la conversion au catholicisme de son grand-père juif, Guy Cassonnet, 50 ans plus tôt. Le petit-fils n'en a pas moins été élevé dans le pur respect de la doctrine catholique, parce que ses parents, nous dit le docteur Gagnère, conscients de la surveillance exercée sur les descendants des juifs convertis par les ecclésiastiques, se montraient particulièrement scrupuleux dans la pratique de leurs devoirs religieux. C'est un surdoué, le petit Michel. Il a été tôt stimulé, il faut dire, par son grand-père, son brillant grand-père. Lorsque mourut son grand-père, ajoute Gagnère, qui s'était chargé de son éducation première, l'enfant, alors âgé d'une quinzaine d'années, fut envoyé en Avignon pour y apprendre les lettres humaines. Il prit pension dans un collège réputé de la cité papale, où il se fit aussitôt remarquer par une mémoire presque divine. Ce sont les contemporains qui l'appellent ainsi. Si prodigieuse mémoire en tout cas, qu'il était capable de réciter mot à mot sa leçon dès qu'il l'avait lue une seule fois. Latin, grammaire, philosophie, rhétorique, géométrie, tout lui plaît, et bien sûr l'arithmétique et l'astronomie, cette discipline de la nuit qu'il affectionne au point que ses condisciples l'aient surnommé le jeune astrologue. Il leur signale, il leur explique les phénomènes célestes, alors mystérieux pour beaucoup. Il leur parle des comètes et des météores et des astres et des brouillards cosmiques. En 1521, il part pour Montpellier en tant que maître Essard et il commence sa médecine. Il aura d'ailleurs Rabelais pour condisciple. Le docteur Gagnère nous précise qu'alors le cycle d'études était long, coûteux, compliqué et comportait 3 diplômes, baccalauréat, licence et doctorat. Eh bien en 1526, c'est déjà bachelier, alors que la plupart des étudiants désertent la faculté pour se porter au secours des malades atteints par une épidémie rapportée d'Italie par les armées de François Ier. On est là juste au lendemain du célèbre désastre de Pavie. Michel, lui, part pour Toulouse et Bordeaux et il ne reviendra à Montpellier qu'une fois le fléau calmé. Riche de toutes sortes de recettes et de médications diverses, il est docteur en 1533. C'est à ce moment-là qu'il va latiniser son nom. Notre-Dame devient Nostradamus et il se voit tresser des louanges par ses examinateurs. Scaliger, qui était médecin de l'évêque d'Agen, très érudit, brillant humaniste, le prend un temps sous son aile. C'est l'époque du mariage de Nostradamus. Il va avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Mais à l'époque, l'inquisiteur local accuse volontiers les beaux esprits de sympathie pour la réforme et Nostradamus préfère une fois de plus prendre le large. Le voilà qui se réfugie à Bordeaux puis à La Rochelle. Et quand il rentre à Agen, en 1539, sa femme et leurs 2 enfants sont morts, victimes eux aussi d'une épidémie. La roue tourne à l'encontre de Nostradamus, que son maître lui-même vient à traiter de sale juif et mâcheur de charabia. Il ne s'était pas fait aimer finalement. Notre Michel reprend donc la route et c'est en Lorraine que le découvre le célèbre, vous savez, l'anecdote célèbre des cochons de Florainville. Je vous la résume en 2 mots. Monsieur de Florainville, un soir où il reçoit, conduit Nostradamus à la soue où se trouvent 2 cochons de lait, un blanc et un noir. Il met le mage au défi de faire l'horoscope des 2 animaux. Alors Nostradamus analyse un peu la situation, il relève le gant. Celui-ci, dit-il en désignant le cochon blanc, sera dévoré par un loup. Quant au noir, c'est vous-même qu'il mangerait. Pour le plaisir de le faire mentir, son hôte demande alors au cuisinier de mettre le cochon blanc à la broche. Et après le repas, il est fier de son coup, il annonce à Nostradamus qu'il vient de manger le cochon blanc. « Vous voyez, conclut-il, c'est un esprit fort ce monsieur, voyez comme il est facile de faire mentir vos prophéties, tout cela n'est que sornette et stupidité, je viens de vous en donner la preuve. Fort heureusement, dans notre siècle éclairé, ces billevesés de charlatans ne peuvent plus abuser que des enfants, des vieilles femmes et des illettrés. » Nostradamus ne réagit pas. Simplement, il demande à être conduit à la soue. Il veut voir le cochon noir. Là, je cède la parole à Guy Breton. Et je lui laisse la responsabilité de ses conclusions. Le cuisinier, nous dit-il tout penaud, raconte qu'ayant tué le cochon blanc pour le préparer, il était en train de beurrer un plat quand un jeune louveteau admis apprivoisé est entré dans la cuisine et a dévoré l'animal. Il est alors allé tuer l'autre cochon, le noir, pour le préparer pour le repas. Nostradamus aura le triomphe modeste et se contentera, nous dit Breton, de dire « Il y a sous les étoiles beaucoup plus de merveilles qu'on ne croit. Les étoiles, 16 étoiles, le ciel de Salon de Croix, aujourd'hui Salon de Provence, Nostradamus les retrouve en 1543, mais il lui reste à faire alors quelques voyages importants. » Sur Europe 1, un extrait de la symphonie fantastique « Songe d'une nuit » de Sabah. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Oui, je pense à la nuit de Valpurgis, c'est tout ça, toutes ces nuits de Sabah. La nuit de Voissy aussi, celle de la Saint-Barthélemy, la nuit du 4 août et celle de Varennes, la nuit des longs couteaux et celle de Cristal. L'histoire est ainsi pleine de grands et terribles événements nocturnes dont les spécialistes en cryptologie nous affirment qu'ils sont dépeints noir sur blanc dans les centuries de Nostradamus. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là parce que pour le moment, Michel de Notre-Dame a encore quelques périples à accomplir. En mai 1546, Aix est victime d'une terrible épidémie de peste restée célèbre sous le nom de charbon provençal. Et devant l'incapacité des médecins à arrêter la contagion, les consuls de la ville envoient une députation chercher Nostradamus pour qu'il vienne au secours de leurs concitoyens. Qu'est-ce que nous dit le docteur Gagnère à ce propos ? Quelques jours plus tard, ce dernier arrivait dans une cité désolée aux boutiques closes, aux églises désertes, aux rues velues, sauvages et pleines d'herbes dans lesquelles errait une humanité hébétée et craintive. Il se mit aussitôt au travail, visita les maisons contaminées, inspecta les hôpitaux, décréta d'élémentaires mesures d'hygiène telles que le nettoyage des rues, l'assainissement des cloaques, l'emprisonnement des filles publiques, le nettoyage des murs avec du vinaigre aromatisé. De plus, il recommanda certains remèdes, notamment une poudre à base de sciure de bois, de cyprès, iris de Florence, clou de girofle, musc, ambre gris, rose incarnadine, poudre de violette excellente, selon ses biographes, pour chasser les odeurs corrompues. Il serait imprudent de prétendre que cette seule thérapeutique ait eu raison de la terrible maladie qui, pendant plus de 9 mois, dévasta la ville et ses alentours. En janvier 1547 seulement, la mortalité commença de décroître et Nostradamus se crut en droit de rentrer chez lui. Avant son départ, il fut l'objet de manifestations touchantes. La municipalité lui vota une pension. Des artistes lui offrirent son portrait. D'innombrables inconnus vinrent lui apporter des présents. C'était toute une cité qui voulait témoigner sa reconnaissance. Il rentre donc à Salon, mais il va y rester peu de temps cette fois parce que c'est à Lyon que la peste fait son apparition et une fois encore, Nostradamus se rend sur place pour apporter son aide. Quelques semaines plus tard, la ville est sauvée, il rentre à nouveau chez lui. En 1547, donc, il épouse une jeune veuve, issue d'une très honorable famille de Salon, Anne Pansard-Gemel. Le contrat est signé le 11 novembre et le mariage célébré peu de temps après. Elle lui apporte 800 florins de dot et lui-même, possédant un avoir de 300 écus d'or, on peut dire quand même qu'à ce moment-là, le couple jouit d'une certaine aisance matérielle. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'installer dans cette maison bourgeoise du quartier Ferrérou dont je vous parlais à l'instant. Et ils vont ensemble avoir 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. À peine un an après son mariage, Nostradamus repart sur les routes. En 1548 et 49, on le voit à Marseille, puis en Italie, en particulier à Gênes, à Savone. Un jour qu'il traversait Savone en Italie, il croisa dans la rue un jeune moine et s'agenouilla brusquement devant lui. « Relevez-vous, dit le moine. Non, un chrétien doit s'agenouiller devant le pape. Puis-je solliciter votre bénédiction ? Le moine le bénit en souriant et il poursuivit son chemin. 35 ans plus tard, ce moine, qui s'appelait Joseph Peretti, était plus connu sous le nom de Sixte Quint et il était pape, nous dit la chronique. Vous me permettrez d'être un peu réservé tout de même. Après une dernière escapade à Carcassonne et dans le Roussillon, il semblera se stabiliser et l'âge aidant, son existence va prendre un cours tout à la fois plus sédentaire et nettement plus nocturne. C'est que, disons-le, notre homme dort fort peu. Il a besoin seulement de 3, 4, maximum 5 heures de sommeil par nuit et il passe donc l'essentiel de son temps nocturne à travailler dans l'observatoire qu'il a fait construire sur le toit de sa maison. Il y accède directement depuis sa chambre par un escalier tournant. Ça est assez émouvant, on l'imagine monter là, sous le ciel étoilé. Quand on lui demande ce qu'il fait la nuit, il répond qu'il étudie la carte du ciel parce qu'il croit à la conjonction de la médecine et de l'astrologie. Rien d'étonnant à ce qu'en bas dans la ville, ça jase un peu. Nostradamus suscite des sentiments contrastés, l'admiration de beaucoup, c'est vrai, mais aussi la méfiance de nombreux détracteurs. Des rumeurs circulent à son sujet. Cet homme de la nuit serait un magicien possédé du diable, encore un ennemi de la religion. Ce qui à l'époque est très grave. Or, Nostradamus a retenu la leçon d'Agen et de l'Inquisition, rappelez-vous. Sa dévotion aux lois divines n'a aucune limite. Il pratique le jeûne, on est mardi gras demain, lui il fait le carême, hein, bien entendu. L'aumône, l'humilité, il déclare en toutes circonstances « corps l'Église, point de salut ». Ce qui ne l'empêche pas de publier un premier livre de prédictions et autres prophéties en 1550, avec un succès immédiat, et il écrira désormais un almanach par an jusqu'à sa mort. On peut dire que Nostradamus est célèbre dans toute la Provence et jusqu'en pays voisin. Il accueille une clientèle innombrable, très variée. En 1555, il publie un traité des fardements et des confitures sur l'hygiène, la santé, la prévention, la beauté et, l'année d'après, singulières recettes pour entretenir la santé du corps. Deux livres assez semblables, nous dit Gagnère, qui connaissent une large diffusion. On les trouvera bientôt aussi bien chez les nobles et les bourgeois que chez les artisans et même les paysans. Le traité des fardements et confitures, écrit à la requête d'une grande princesse et même riche en enseignements, nous dit-il. Mais bien entendu, l'ouvrage qui va le rendre vraiment célèbre, c'est son premier recueil de prophéties, publié en mai 1555 et qui, celui-là, lui ouvrira même les portes de la cour. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Nostradamus. Alors, on n'en finirait pas, Céline, et ce n'est évidemment pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, de donner des exemples de cas historiques devinés par Nostradamus à partir d'observations du ciel et de la nuit. 3-4-1, raconte Breton, sont consacrés à un empereur qui doit naître près de l'Italie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Nostradamus précise, de soldat simple parviendra en empire, de robe courte parviendra à la longue, et il ajoute, la tête rase par 14 ans tiendra la tyrannie. Qui aurait pu deviner que c'était là l'histoire résumée de façon fulgurante de l'ascension de Napoléon, le petit tendu, et de ses 14 années de règne. C'est vrai que c'est assez troublant, évidemment. Une des plus célèbres prophéties évoque un événement qui va survenir du vivant du prophète. Voici le 4-1, 35 de la première centurie. Le lion jeune, le vieux surmontera en champ bellique par singulier duel. En cage d'or, les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir mort cruelle. Cette divination est publiée en 1555 et tout de suite, elle inquiète la reine Catherine de Médicis dès qu'elle en a connaissance, car 3 ans auparavant, l'astrologue du pape Goric a déjà conseillé à Henri II d'éviter tout combat singulier en champ clos et notamment aux environs de la 41e année, parce qu'à cette époque de sa vie, il serait menacé d'une blessure à la tête qui pouvait entraîner cécité ou mort, lui avait dit l'autre astrologue. Et voici donc que le 30 juin 1559, Henri II, qui justement est dans sa 41e année, participe à un grand tournoi organisé rue Saint-Antoine pour célébrer le mariage de sa fille. À 10h, sous un soleil brûlant, le roi entre en lice portant les couleurs noir et blanc de sa favorite, Diane de Poitiers. Au départ, tout se passe bien, seulement vous connaissez l'histoire. Au troisième assaut, contre le jeune comte Gabriel de Montgomery, seigneur de Lorge, devant la reine livide et la foule atterrée, les prophéties parties s'accomplissent. Les combattants se ruent l'un vers l'autre et la lance de Montgomery, brisée lors d'un assaut précédent, entre dans le casque du roi par la visière qu'on avait négligé de rattacher et avec une violence telle que des esquilles de bois s'enfoncent profondément dans le crâne du monarque. Un cri s'élève des tribunes, la reine s'effondre sans connaissance. Henri II, le visage en sang, se cramponne à son cheval dont il finit par tomber. « Je suis mort », murmura-t-il à ceux qui viennent le chercher. On le transporte évidemment jusqu'à l'hôtel royal tout proche, où il mourra après une agonie atroce 12 jours plus tard. Ça a été évidemment le grand, on va dire le coup de départ, ça, de la carrière de Nostradamus. Vous imaginez la publicité, si j'ose dire, pour les prophéties. Le médecin provençal devient une sorte de gourou, de pitié universelle. On connaît l'intérêt que porte la reine Catherine au devin. Après tout, elle est d'origine florentine. Elle est arrivée à la cour de France avec dans ses malles toutes sortes de mages d'astrologues. Elle avait déjà rencontré Nostradamus le 14 août 1553. Elle l'avait logé dans l'hôtel des archevêques de Sens à Paris. Et après la mort d'Henri II, Nostradamus là, devient incontournable. La reine le veut à la cour. On l'installe dans une petite maison du quartier Saint-Germain-l'Auxerrois pour qu'il soit plus près du Louvre. Ronsard l'appelle le poète choisi et déclare qu'il est l'homme le plus extraordinaire des temps modernes. Néanmoins, Nostradamus finira par rentrer à Salon, couvert d'honneur, envié, considéré. Désormais, chaque fois qu'un événement d'importance se produit, ses admirateurs relient immédiatement cet événement à un des quatrains qui figurent dans les centuries. Des personnages importants vont lui témoigner publiquement des marques d'estime. De nouveau le docteur Gagnère. En 1559, nous dit-il, le duc Philibert Emmanuel de Savoie, époux de Marguerite de France, sœur du roi Henri II, fuyant la peste qui désole ses états, arrive à Salon pour se mettre sous sa protection et lui demander conseil. 2 ans plus tard, le même prince le fait venir à Nice afin de prévoir le sexe de l'enfant que sa femme allait bientôt mettre au monde. Nostradamus assure que ce sera un fils. Les circonstances devaient lui donner raison. Il est vrai qu'en formulant son augure, il avait une chance sur deux de se tromper, nous dit Gagnère. En 1564, c'est au tour de la reine-mère et du jeune roi Charles IX de rendre visite aux mages. Au cours d'un voyage à travers la France, leur cortège qui vient de Saint-Rémy de Provence se présente aux portes de Salon le 17 octobre. Nostradamus, que le roi a fait monter sur le cheval d'un de ses courtisans, escorte les souverains jusqu'au château où ils vont s'installer pour la nuit et le lendemain, l'astrologue retourne voir Charles IX. Ce dernier le reçoit longuement dans sa chambre, se fait présenter toute la famille, dont le cousin du roi, le prince de Béarn, futur Henri IV. Et là, Nostradamus déclare devant le futur Henri IV, celui-ci aussi sera roi et entrera dans l'église romaine. Vous avouerez que c'est un peu fort si c'est vrai. Nostradamus a maintenant un peu plus de 60 ans, il n'est pas en bonne santé et le docteur Gagnère nous dit, sa santé se dégrade de jour en jour, les crises de gouttes qui l'ont tourmenté toute sa vie se rapprochent et l'épuisent, il sort rarement de sa maison, de temps en temps en compagnie de Chavigny, et donc un de ses disciples, il fait une courte promenade appuyé sur une canne à pommeau d'or, parfois il s'assied au soleil devant sa porte, devisant avec quelques amis. Pourtant, il n'a pas renoncé au travail, il continue à passer de longues heures nocturnes dans son observatoire, les yeux toujours rivés sur la voûte étoilée. Le 1er juillet, il va dire à Chavigny « Demain, au soleil levant, je ne serai plus. » Effectivement, le lendemain, en entrant dans sa chambre, on le trouve assis sur une banquette au pied de son lit. Son corps était déjà froid et raidi. Selon toute probabilité, il avait été pris d'étouffement au milieu de cette nuit qu'il avait toujours tant habitée. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Franck. Bonjour. Je voyais le scientifique sourire à certaines des prédictions d'un Nostradamus auquel, il est vrai, on prête beaucoup. Avec vous, nous allons revenir non seulement sur Nostradamus, mais essentiellement et surtout sur la nuit, phénomène qu'on a longtemps eu tendance à beaucoup trop négliger. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. La nuit est belle, aussi belle que toi. Quand la nuit danse, elle danse comme toi. Gaufret sur Europe 1 avec un extrait de La nuit est belle, puisqu'au cœur de l'histoire aujourd'hui, vous nous parlez de la nuit, Franck Ferrand, avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, également directeur de la rédaction du trimestriel Macrocosme, dont le dernier numéro est consacré à la nuit. Et ceux de nos auditeurs qui nous suivent sur Internet peuvent s'en rendre compte, oui. Le studio a été plongé dans la nuit. Nicolas Six, qui est notre grand metteur en ambiance, si je puis dire, n'en manque pas une, et il a eu cette idée. Alors nous sommes éclairés par des petites bougies, en fait. C'est très nocturne, c'est très propice à la méditation, Alain Sirou. Ce que vous nous dites, vous, c'est que la nuit n'est pas du tout en soi un phénomène. Le phénomène, c'est le jour, c'est tout l'inverse. Absolument. Je vais situer Victor Hugo, qui est celui, je pense, qui parle le mieux de la nuit. Il dit « l'état normal du ciel ». C'est la nuit. Ben c'est ça. Et il rajoute d'ailleurs, le jour n'est qu'une proximité d'étoiles. Et souvent les astronomes disent que le soleil, c'est la seule étoile qu'on peut pas voir la nuit. C'est elle qui domine. Et cette ambivalence extraordinaire du jour et de la nuit, elle va marquer notre histoire depuis que le jour et la nuit cohabitent. Parce que ce qu'on appelle un jour, c'est 24 heures. Mais ces 24 heures sont divisées en jour et en nuit. Mais pourquoi le jour domine-t-il ? Parce que nos yeux sont habitués à la lumière et que peut-être notre histoire, nous sommes, ne l'oublions pas, les cousins des grands singes, mais aussi les cousins des poissons, les cousins des arbres, les cousins des étoiles, c'est beaucoup plus éloigné, nous montre que dans notre histoire, la nuit est prépondérante et que notre fragilité, elle est sans doute celle justement de l'exposition à l'obscurité où règne un grand nombre de prédateurs capables de nous manger. J'ai souvent insisté sur cet aspect, mais parce qu'il me paraît tout à fait essentiel. Il faut pas oublier que pendant des siècles, tout ça n'a changé que depuis un siècle. C'est donc tout récent, la lumière électrique, et maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton et évidemment, fiat lux, bon, ça change tout. Mais pendant des siècles, notamment à la mauvaise saison et sous les latitudes qui sont les nôtres, une part non négligeable de la journée se passait dans l'obscurité, et comme on s'éclairait chichement, c'est un peu comme nous dans ce studio cet après-midi, comme on ne s'éclairait qu'à la lueur des chandelles et des bougies, ou des feux de cheminée, hein, bien entendu, du foyer, on avait tendance à se déplacer d'un halo à un autre au milieu de l'ombre et des ombres. L'ombre était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui, elle faisait intégralement partie de la vie de nos ancêtres. Absolument, l'ombre qui est le bras armé de la nuit, et qui n'existe que parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a du soleil. Je pense qu'on ne peut pas voir la nuit autrement qu'en pensant au grand mythe. La nuit, c'est Nyx pour les Grecs, c'est la déesse primordiale, hein, qui est une divinité issue du chaos. On n'honore pas la nuit. Par contre, on se souvient dans cette divinité que son frère Erebe, qui est aussi son époux, donc qui est le prince des ténèbres, va se marier avec Nyx, avec la nuit, pour faire le jour. Donc on est là vraiment sur des archétypes extrêmement profonds. Très anciens. Très anciens, primordiaux. On peut dire totalement immémoriaux, oui, bien sûr. Avec le temps, avec l'énergie, avec un certain nombre de concepts comme ça qui vont dominer jusqu'au 21e siècle. Puisque encore aujourd'hui, quand il y a quelque chose de mystérieux, et je pense qu'on en reparlera en particulier avec l'astrophysique et la cosmologie, on parle toujours d'énergie noire, de matière obscure, voire même de ces monstres que sont les trous noirs dans l'univers. Bien sûr. Alors on va venir à l'astrologie dans un instant, parce que je ne vais pas laisser tomber Nostradamus comme ça. Simplement, dites-nous, première grande question, pourquoi la nuit nous apparaît-elle noire ? Pourquoi la nuit est-elle noire ? Alors ça, c'est une très grande question qui a préoccupé, je dirais, les premiers scientifiques. Et on peut penser là à Kepler en particulier. Tout simplement parce que Kepler, quand il a pensé à l'univers qui pouvait être infini, il a imaginé que pouvait exister une infinité d'étoiles. Et cette idée d'une infinité de petites lumières qui parsèment la nuit se poser finalement à une contradiction qui est relevée par un astronome qui s'appelle Olbers, ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Et ce paradoxe est assez simple. Olbers, je vais vous citer exactement ce qu'il dit. Il dit le ciel tout entier devrait être aussi brillant que le soleil parce que toute ligne que j'imagine tirée à partir de nos yeux rencontrera nécessairement une étoile fixe quelconque. Et par conséquent, tout point du ciel devrait nous envoyer de la lumière stellaire. C'est-à-dire que, où que l'on regarde, s'il y a une infinité d'étoiles, alors le ciel, la nuit, devrait être lumineuse comme l'est le soleil. Alors, c'est une vraie discussion. Pourquoi est-ce qu'il fait noir alors qu'il y a une infinité d'étoiles ? Eh bien, paradoxalement, c'est un écrivain américain qu'on connaît très bien, qui s'appelle Allan Edgar Poe, qui va, je dirais, le premier résoudre partiellement cette question en disant, finalement, la seule manière de combler le vide qu'on voit dans les grands télescopes, dans d'innombrables directions, c'est de supposer que cet arrière-plan invisible, placé à une distance si prodigieuse, qu'aucun rayon n'a pu parvenir jusqu'à nous. C'est-à-dire que, finalement, l'espace est tellement gigantesque, et surtout, la lumière a une vitesse, et les étoiles ont une histoire, c'est-à-dire que l'univers est né à un moment donné, alors la distance que doit parcourir la lumière fait que la lumière ne nous est pas encore arrivée. Mais ce qui est drôle, c'est que Edgar Poe ne croyait pas à cette idée, il disait simplement « il n'y a rien qui le prouve », mais c'est une idée intéressante. Alors aujourd'hui, on sait qu'elle est vraie, c'est-à-dire que s'il ne fait pas nuit alors qu'il y a peut-être pas une infinité, mais beaucoup d'étoiles, eh bien, c'est un peu comme une baignoire que vous remplissez, c'est-à-dire que vous remplissez en continu la baignoire, mais la baignoire grandit en même temps que vous la remplissez, c'est-à-dire que son volume augmente. L'univers grandit, s'expand, comme on dit, au moment où la quantité de lumière émise par les étoiles essaie de remplir ce noir et n'y arrive pas. Donc la nuit est noire parce que la lumière ne domine pas et que l'obscurité, qui n'est pas l'absence d'informations, elle est extrêmement présente. C'est fascinant ce que vous racontez là. Voilà, je viens d'apprendre pourquoi la nuit était noire. C'est quand même pas mal. Alors, cette nuit noire, l'ont scruté évidemment les astronomes et les astrologues qui, pendant très longtemps, ne se distinguaient pas, il faut le dire. Non, les astrologues sont les ancêtres. C'est les ça, astronomes. Voilà. Bah, c'était les premiers payés à observer le ciel. Voilà. Et on raconte toujours l'histoire fabuleuse des deux astrologues chinois qui s'appelaient Yi et O, et qui étaient au service du prince. Donc, et vous savez que le prince devait, en tant que représentant de pouvoir spirituel qui souvent était donné par l'univers, par le ciel, devait être au courant de ce qui se passait dans le ciel. Donc, comme des concierges, ils notaient tout ce qui bougeait dans le ciel. Ils notaient le passage des planètes, les comètes qui arrivaient. Et ces deux astrologues avaient un peu trop fait la fête un soir et n'avaient pas réussi à prévoir une éclipse totale de soleil. Et vous savez qu'une éclipse totale de soleil, c'est sans doute un des phénomènes les plus extraordinaires de l'arrivée du noir brutal sur Terre. Et c'est quelque chose qui sidère. Et donc, n'ayant pas pu prévoir cela, ils ont été surpris par l'événement et l'empereur leur a coupé la tête. Or, on dit maintenant que les astronomes font beaucoup attention avant de donner les informations sur l'éclipse totale de soleil, de peur de perdre la tête comme I et O. Ouais. En même temps, I et O avaient peut-être commis d'autres crimes qu'on ne connaît pas. Entre autres de boire, un peu trop. Par exemple. Alors, nous allons évidemment revenir sur l'ensemble des perceptions que nos ancêtres ont pu avoir de la nuit. Ce qu'on peut peut-être dire clairement, Alain, c'est que pendant très longtemps, la nuit a été mal vue. Elle est considérée en Occident, en tout cas, comme quelque chose d'hostile. Oui, même encore aujourd'hui, je pense. Oui, même encore aujourd'hui. Le chat noir porte malheur. Oui. Les veuves sont en noir. Regardez dans les films à frissons, on vous plonge tout le temps dans le noir, etc. L'ombre fait peur. C'est là où se réfugie le criminel. C'est là où les pensées les plus obscures, au sens propre et inavouables, sont cachées. En même temps, il y a une ambivalence. La robe du juge est noire parce que il est impartial. Et n'oublions pas, pour faire référence à l'histoire, que la couleur de la vie chez les anciens Égyptiens, c'est le noir. On appelle l'Égypte ancienne Kemet, la terre noire. Parce que le limon déposé par le Nil a cette couleur noire dans laquelle les petites graines vont pousser. Et puis ces petites graines sont la promesse de la prospérité. Justement, on va revenir sur l'Égypte ancienne, sur l'antiquité nocturne. Ça tombe bien puisque nous sommes plongés nous-mêmes un peu dans la nuit. On est au milieu des bougies. Ça crée une très belle atmosphère. Je me dis qu'on devrait faire ça plus souvent, peut-être même, pourquoi pas, tous les jours. Hein. Si on faisait l'émission aux bougies, Céline. Moi, ça me plairait beaucoup aussi. Oui. Alors voilà, c'est une idée à suivre. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Georges Delerue sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Nuit Américaine de François Truffaut. Nous sommes au cœur de l'histoire de la nuit cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Alain Siroux, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, également directeur de la rédaction du trimestriel Macrocosme dont le dernier numéro est consacré à la nuit. Oui, c'était le numéro 1 d'hiver 2013, numéro 7, La Nuit avec le ciel de Michel Onfray, le Big Bang et la nuit des origines, la lune et les constellations, les vraies couleurs de la nuit, la nébuleuse du hibou et les autres, etc. Un magazine entier consacré à la nuit, une exposition entière aussi consacrée à la nuit. Vous l'avez vu, vous, l'exposition oui. de la Grande Galerie de l'Évolution? Oui, vous pouvez aller la voir, elle dure jusqu'au 3 novembre hein, prochain, donc c'est une belle plongée dans la nuit, et je dirais la nuit à la fois des astronomes, la nuit des hommes, puisque on parle du sommeil, on parle des rythmes, de la chronobiologie, et puis une nuit dans la nature, et on découvre que la nuit a ses habitants propres. Et ses habitants, c'est pas n'importe lesquels. Il y en a certains qu'on connaît bien. Évidemment, je pense à la chouette hulotte, au blaireau, au crapaud, etc., etc. Oui, parce qu'il y a tous ces animaux nocturnes, hein, bien tous sûr. Ces animaux nocturnes qui, en fait, ont développé des capacités. Il y a quelques noctambules parisiens ou autres aussi, d'ailleurs. Il y en a, mais pas tous les soirs. Et certains, à la pleine lune, déambulent alors qu'il y a beaucoup de lumière. Oui. Mais là aussi, on découvre que la nature, c'est adapté et que depuis très longtemps, ces animaux diurnes et nocturnes cohabitent avec vraiment toujours cet esprit de préservation. C'est-à-dire que chasser la nuit, c'est d'abord être préservé de la visibilité. C'est ensuite développer des récepteurs que n'ont pas les autres. Des yeux extrêmement grands pour certains, des capacités d'écholocalisation, on le sait par exemple pour les chauves-souris, des oreilles qui permettent d'entendre des sons qu'on n'imaginerait même pas. Enfin bref, c'est une façon de vivre, de dissimuler, de profiter de la fraîcheur sur certaines latitudes. Bref, le monde de la nuit est un monde extrêmement important. Alors pour tout vous révéler, moi j'aime la nuit, mais j'aime la vraie nuit, celle qui est noire. Et nous disions pendant cette interruption, à l'instant, Alain Siroux, que c'est de plus en plus difficile. Alors à Paris, n'en parlons pas, puisque si vous ne fermez pas vos volets roulants bien serrés, en fait il fait presque jour comme en plein jour à 1h du matin. Mais même lorsque vous allez maintenant dans les petits villages, dans les campagnes les plus tranquilles, où normalement on avait, je me rappelle autrefois, cette espèce de nuit épaisse et noire comme de l'encre de Chine, eh bien aujourd'hui vous avez toutes ces espèces de réverbères oui. qui font qu'il fait jour partout. Oui, la nuit est en train de disparaître. Oui. Et la grande question philosophique qui se pose, c'est que saurions-nous de l'univers, du cosmos, de ce qui nous entoure sensiblement si nous n'avions jamais eu accès au ciel, si en sortant le soir pour regarder humer l'air, on n'ait pas vu ces petites étoiles, ces constellations, cette traînée blanchâtre de la Voie lactée qui descend vers le sud en direction du cœur de la Voie lactée. Qu'est-ce qu'on aurait compris de notre univers si nous ne nous étions pas posé la question des étoiles, mais aussi de l'ombre de la lune, mais aussi des éclipses, etc. Et disparaître, voire disparaître ce ciel, c'est une catastrophe. Et j'ajouterais même, au-delà des considérations scientifiques et de la simple observation du cosmos, on pourrait se demander ce qu'auraient pu être bien des sujets dans bien des domaines si la nuit n'avait pas été là pour favoriser l'imagination. Parce que rien n'est plus inspirant, me semble-t-il, que cette grande voûte céleste illuminé de ces millions d'étoiles. Je défie quiconque de s'être allongé dans l'herbe, on est dans les lettres de mon moulin, hein, mais oui. et d'avoir observé cette chose extraordinaire qui vous attire à elle sans se sentir d'un seul coup grandi et sans sentir son esprit vagabonder. Si l'on ne peut plus voir ça et si l'on n'a plus comme horizon que le réverbère du coin de la rue, c'est quand même dommage. C'est le moment, c'est les municipales en ce moment, on peut poser la question au maire. Hein, d'ailleurs, exactement, hein. Je pense que c'est une question extrêmement importante parce que sur les 36 681 une équipe qui doit être renouvelée. J'ai eu un chiffre très précis. 86% concerne des communes de moins de 2000 habitants. Et qu'est-ce que font finalement les municipalités? Elles décident par exemple de la forme des lampadaires. Eh bien, avoir un lampadaire à boules qui coûte moins cher qu'un lampadaire avec un petit chapeau, ça éclaire le ciel. Mais et vous voilà. Ne cherchez jamais vos clés dans le ciel, vous les cherchez par terre. Mmh. Et puis, les voleurs ont aussi peur de la nuit que ceux qui n'ont pas peur. Donc aujourd'hui, avoir une équipe municipale qui a conscience que préserver le ciel, c'est préserver l'environnement, c'est se laisser la liberté de pouvoir accéder à l'autre face du monde. Sauvons l'imaginaire, en quelque sorte. Sauvons l'imaginaire, et puis économisons de l'énergie. Et puis pensons qu'effectivement, on peut couper une partie de la lumière quand il n'y a personne pour la regarder. Enfin, ce n'est pas une énergie, illimitée. Et aujourd'hui, la préservation de la nuit est absolument fondamentale pour nous, mais aussi pour ceux qui y vivent, en particulier les animaux. Alors Lucille, qui porte un nom tout à fait prédestiné, c'est la lumière, n'est-ce pas ? Lucille nous demande de quand date l'astrologie et les premières cartes du ciel, justement. Vraisemblablement. C'est très ancien. C'est très ancien, vraisemblablement des Mésopotamiens. Oui, voilà. Et je dirais, je les appelle toujours les concierges du ciel. On est aux alentours de 3 4 000 avant notre ère. Oui, on peut remonter à 5 000. En tout cas, on retrouve des tablettes babyloniennes en argile sur lesquelles sont notés extrêmement précisément les mouvements des astres et les passages des comètes. Encore une fois, cette idée que il y a un rapport entre les êtres humains sur la Terre et le ciel et que nous sommes prédéterminés est une des conditions de la compréhension de l'astrologie de l'époque qui évidemment va être dissoute par la suite. Alors vous nous parliez des Égyptiens anciens tout à l'heure et de leur divinité nocturne. Toutes les mythologie, tous les grands panthéons ont leur dieu de la nuit, bien entendu, et ont réservé à la nuit une place particulière et fondatrice, hein, toujours. On est dans le creuset du monde, toujours. On est dans le creuset du monde parce que il y a toujours cette idée que la bataille entre le jour et la nuit peut, à un moment donné, profiter à la nuit. Et dans cette vision des Égyptiens qui est extrêmement originale, qui considère, entre autres, que l'année commence au moment où la constellation du grand chien avec Sirius en particulier se lève, c'est-à-dire c'est le moment où les fameuses crues du Nil vont commencer. Sirius c'est Canis Major, l'étoile principale du grand chien, c'est au mois de juillet, Canis Major c'est canicule. Donc on voit bien qu'il y a une influence entre ce qu'on observe dans le ciel et ce qui se passe sur la Terre. Eh bien, pour les Égyptiens, le dieu Ré disparaît dans la nuit chaque jour et c'est sa mort qui va être un combat puisqu'il va affronter un serpent, donc Apophis, et c'est, je dirais, sur les 12 heures de nuit qu'il va passer 12 portes et se peut-être se régénérer. Donc cette idée que finalement il n'y a rien qui dure toujours et que même Ré, ce soleil, cette lumière, cette énergie doit affronter des épreuves pour renaître différent au jour est une, je dirais, façon extraordinaire de montrer qu'on a besoin de cette nuit. Vous savez ce qui me fascine avec ces très très anciens savoirs, c'est qu'ils ont l'air de tenir compte d'éléments scientifiques qu'ils ne pouvaient par définition pas connaître et notamment de tout le métabolisme particulier des espèces nocturnes, par exemple. Oui. C'est assez étrange, il y a des correspondances immédiate entre ce que les très très anciens textes nous racontent de la nuit et ce que la science la plus récente nous apprend de la façon de vivre d'un certain nombre d'espèces. Mais ce que nous rappelle le 19e siècle aussi, c'est que la nuit est nécessaire. La nuit est l'origine du visible. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que le 18e siècle, pour faire un bond dans l'espace et le temps, s'identifier à la clarté. Quand on apprenait quelque chose, quand on a vu les grands savants en France arriver, on appelait ça le siècle des Lumières. Et par réaction, au 19e, je dirais qu'on a considéré que la nuit était une puissance créatrice, en opposition à cette, entre guillemets, dictature d'un savoir officiel, où on a vu arriver des auteurs, le romantisme, on a commencé à avoir des châteaux obscurs dans lesquels des ombres se mouvaient, le spiritisme, le contact avec un autre monde qui serait invisible, qui, comme la radio, communiquerait par des ondes dont on ne saurait pas d'où cela vient. On voit bien que la nuit cache, masque quelque chose qu'on a envie de démasquer et qui donne une puissance d'imagination à la création à travers le rêve, la littérature et je dirais même la musique. N'oubliez pas les nocturnales avec Liszt, avec Schumann ou Chopin. Donc c'est un creuset primordial du chaos duquel surgit la création et de la nature. Je trouve que pour un non-sujet, vous en parlez vraiment très bien, Alain Sirou. C'est vrai que dans les dialogues avec l'ange, on dit l'ombre n'existe pas, il n'y a que l'absence de lumière. Et si la nuit nous est si chère, c'est qu'on sait qu'après la nuit viendra forcément le jour. Ça, c'est très important. Oui. Ce rythme, je crois que le terme de rythme là doit être prononcé finalement. Il est extraordinairement présent. Il nous conditionne chaque jour. Nous sommes au début mars, dans une vingtaine de jours, nous allons connaître l'équinoxe. L'équinoxe, ça veut dire que la nuit est aussi longue que le jour. Exactement. Exactement, partage du jour et de la nuit. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, cette part d'ombre des astres que sont la Lune et le Soleil vont conditionner à la fois notre horloge, mais aussi notre calendrier. Donnons-nous rendez-vous, Franck, au premier quartier, au moment où les ombres mesurent la longueur de notre hauteur, etc. On voit bien que cette part d'obscurité et d'ombre va nous servir d'élément de comptage du temps qui est un archaïsme aussi profond. Pendant très longtemps, à part au moment exact de l'équinoxe, donc au 21 mars et au 21 septembre, si je ne m'abuse, en dehors de ces deux dates-là, les heures elles-mêmes, heures du jour et heures de la nuit, n'avaient pas la même durée. Hein, c'est-à-dire qu'on était obligé de séparer le temps en fonction de ce dont on disposait. Et ça n'a pas été très facile. Il a fallu adopter un certain nombre de code, et n'oubliez pas que les horloges, par exemple, qui permettaient de donner l'heure de la prière, se sont substituées à ces ombres. Oui, bien sûr. On peut se donner un petit clin d'œil, quand même, en pensant à Pierre Dac et à l'humour noir, ou en tout cas à l'humour qui disait je n'aimerais guère vivre sur la Lune, par exemple. Ça m'embêterait de changer de quartier tous les 7 jours. Mais en l'occurrence, la Lune, elle joue un rôle sur les horloges. Et ça, c'est pas Pierre Dac, c'est la vérité. Oui. C'est étrange, même. Bah oui, nos calendriers sont lunis, sont solaires, et je dirais ce rythme du temps et ce rythme des ombres, de la lumière et de l'obscurité vont conditionner le monde dans lequel nous sommes. Nous l'oublions un peu trop souvent, mais je crois que la place de la nuit est quelque chose qui est extrêmement importante aujourd'hui et qu'on doit préserver parce qu'elle recèle encore en germe énormément de rêves d'imagination et d'observation. Je vois se glisser de manière féline l'ombre d'Elena Morna qui entre dans ce studio tout empreint et tout habité d'ombre. J'aime bien cette ambiance un peu comme ça, c'est super. Alors l'exposition Nuit se tient au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes, donc dans la Grande Galerie de l'Évolution, jusqu'au 3 novembre prochain, mais comme je le dis souvent, c'est pas une raison pour prendre son temps, allez la voir cette exposition dès maintenant. Et puis le numéro 7 de Macrocosme, l'une des revues que dirige notre ami Alain Sirou, est consacrée à la nuit, avec ses créatures nocturnes. Une nuit, nous dit ce beau numéro, tout en images. Et c'est vrai que nous avons essayé de projeter sur l'écran noir de notre nuit blanche de cet après-midi un certain nombre d'images aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain Sirou. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine de la tradition du Mardi Gras et de ses carnavals. Oui, à carnaval, on se déguise, n'est-ce pas? Étant donné ce qui vient de se passer pour la nuit, je n'ose imaginer comment va être toute l'équipe demain. Alors, oui, parce que Mardi Gras, c'est demain. Cette date varie complètement, vous savez, puisqu'elle est directement calculée à partir de la date de Pâques et que cette date de Pâques elle-même est choisie et fixée en fonction du calendrier lunaire. Pâques, c'est le dimanche qui suit la pleine lune intervenant après le 21 mars. Voilà comment on détermine Pâques. Et donc, 47 jours plus tôt, vous avez Mardi Gras. Pourquoi 47 jours? Parce qu'il va y avoir les 40 jours de carême, tout de même. Après ça, il y aura la Semaine Sainte, et qui termine donc par Pâques. On est donc dans un calendrier liturgique, là, vous l'avez bien compris. Ce Mardi Gras est une fête chrétienne qui va terminer la semaine dite des jours gras. Ben oui, parce qu'on essaie de faire quelques réserves avant le carême. C'est pour ça d'ailleurs que Lorena nous a distribué tout à l'heure toutes sortes de bonbons chocolat. Là, on s'en est gavé littéralement, parce qu'à partir de demain et pendant 40 jours, c'est ceinture, bien entendu. Le lendemain du Mardi Gras, c'est le mercredi des cendres, jour de pénitence qui marque donc le début des 40 jours de carême. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, jour de la mort du Christ, sont les deux jours importants hein, de ce ce carême. Alors évidemment, il y aura quand même la mi-carême encore où on pourra se refaire une petite santé entre les deux, bien entendu. Quant au terme carnaval, eh bien, il vient justement du terme ancien carne levare, c'est-à-dire enlever tout ce qui est viande, bien entendu, pour se préparer au jeûne. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on préparait aussi des crêpes et puis les œufs de Pâques, vous savez, parce que faisait-on? Eh bien, on cassait le plus grand nombre d'œufs possible avant qu'on n'ait plus le droit d'en consommer, et donc on faisait des crêpes, et avec tous ceux qu'on n'avait pas pu consommer, eh bien, on faisait des petits décors, et c'est l'origine des œufs de Pâques.